l'espace d'un instant, retardons le moment où nous sommes. Allons, peut-être, après, n'aurons-nous plus que du regret, chérie. Nous avons bien le temps. Attends, attends. Impatient que tu es, sais-tu si mon étreinte aura bien la saveur que tu veux, que tu crois, ou que de mon côté je garderai l'empreinte de cet amour vainqueur que je serai à toi. Ne crains-tu pas non plus que le désir, la fièvre dont nous souffrons ce soir fasse place au dédain, ou que déçus d'eux, nous gardions sur les lèvres la rancœur des baisers inapaisés. Attends, attends, éternisons de nos instants, retardons le moment où nous sommes. Allons, peut-être, après, n'aurons-nous plus que du regret, chérie. Nous avons bien le temps. Attends, attends. Lorsque l'aube viendra demain, l'émir m'accouche, tu partiras léger, tout fier de ton exploit, après avoir coulé discrètement ma bouche, car tu n'auras plus rien à désirer de moi. J'ai peur de cet adieu, j'ai peur de rester seule, dans cette même chambre où nous sommes ce soir. Oui, j'ai peur d'être lâche, et j'ai peur d'être seule. Laisse-moi mon courage. Laisse-moi, attends, attends, éternisons le instant, retardons le moment où nous sommes. Allons, peut-être, après, n'aurons-nous plus que du regret, chérie, nous avons bien le temps. Oh.